بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 11 بعد المئة. صوت جميل كاستيون. سؤال أي شيخ رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ, ما حكم غيبة الفاسق؟ Donc il est interrogé, qu'en est-il de médire le pervers? فأجاب رحمه الله تعالى, غيبة الفاسق محرمة لأن الفاسق من المؤمنين, ولا يحل للإنسان أن ينتهك عرض أخيه المسلم. Donc médire le pervers, cela est interdit, car le pervers est un croyant. Là, on parle du fisq asrar, la perversion mineure, ce qui te laisse muslim. Donc il n'est pas permis à la personne de violer l'honneur de son frère muslim. وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَ الْفَاسِقِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَلُوا اللَّهُ تَبَرَكَ وَتَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Donc la preuve que le pervers est un croyant, Allah dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, le talion vous a été prescrit lors d'un meurtre. C'est-à-dire que une personne libre pour une personne libre, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme, et celui qui pardonne à son frère, c'est-à-dire pour le meurtre qu'il a commis, alors il doit faire cela par un bon acte et lui rendre cela par le bien. وَالْمُرَادُ بِأَخِيهِ الْمَقْتُولُ فَجَعَلَ الْمَقْتُولُ أَخًا الْقَاتِلِ. Donc il a dit maintenant, c'est qui le frère? Celui qui était tué. Et il a dit que celui qui était tué est le frère du tueur. Ils sont tous les deux frères. وَمَعْلُومُ أَنَ الْقَاتِلُ قَدْ فَعَلَ كَبِيرَةً من كبائر الذنوب العظيمة التي كرر الله عنها, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Et il est certain que celui qui a tué un musulman volontairement, d'accord, sans excuse, alors c'est pas comme s'il se défendait ou quoi, a commis parmi les plus grands des péchés, dans le sens où Allah dit, et celui qui tue un croyant volontairement, alors sa rétribution sera l'enfer éternellement, et Allah se mettra en colère contre lui, et le maudira, et lui préparer un châtiment douloureux, immense. Et là, attention dans ce verset-là, là c'est Sourate An-Nisa, les femmes, verset 93. Et là, cela ne veut pas dire que le tueur est en enfer éternellement, comme le prouve le verset précédent, qu'on dit que c'est son frère. Donc c'est pas un kafir. Tuer un musulman volontairement n'est pas du coup, pour le sens que la personne le rend licite. Mais là, le verset, les ulama ont expliqué que Khalidan, c'est dans le sens qui veut dire un long moment, une longue période. Car dans des vers de poésie en arabe, le mot Khalidan est venu dans le sens de longue période, longue durée. Et d'autres ont donné d'autres interprétations à ce verset. Mais le verset, d'accord, car d'autres hadiths montrent que tuer un musulman volontairement n'est pas de la mécréance. Et قال تعالى في طائفة من المقتتلين وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما إلى قوله فإن بعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فاصلحوا بينهما بالعدل وقسطوا إن الله يحب المقسطين. Il a dit Allah عز وجل à propos de deux groupes de croyants qui se combattraient, et si deux groupes parmi les croyants, ce qui prouve bien que ceux qui se combattent restent des croyants, se combattent, alors réconciliant entre les deux. Et c'est ce qu'ils disent dans le sens, et si l'un d'entre eux transgresse sur l'autre, c'est-à-dire outrepasse sur l'autre, alors combattez celui qui transgresse et qui outrepasse, jusqu'à ce qu'il se soumette à l'ordre d'Allah Azawajal. Et si jamais il s'y soumet, alors réconciliant entre les deux, de façon juste, et que Allah aime les gens équitables. El Hujarat, les appartements, versets 9 à 10. Wa ma'loumun anna iqtital al mu'minin بعضهم مع بعض كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Il est connu que justement le combat entre les croyants, les entre les autres, cela s'appelle du kufr, mais c'est du kufr asrar. C'est du kufr asrar, car le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit, insulter le musulman cela est de la perversion, et le combat cela est du kufr, mais c'est du kufr asrar qui ne fait pas sortir de la umma, comme le prouve le verset. فإذا تبين أن فاسق لم يخرج من الإيمان وإن كان ناقصا الإيمان فإنه لا يجوز اعتيابه إلا إذا كان في ذلك مصلحة فلا أبأس من أن يقال مثلا فلان يفعل كذا وكذا تحذيرا مما صنع. Donc si jamais on a compris que le fasiq est toujours un croyant, mais il est d'une foi qui est réduite, qui est faible, alors on ne peut pas le médire. Sauf si cela apporte un intérêt, comme le fait de mettre en garde contre son mal. S'il y a un intérêt pour cela. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ فَالْأَصْلُ أَنَّ عِرْضَهُ مُحْتَاطٌ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَخْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَنْ يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Et donc la base, c'est s'il n'y a pas d'intérêt à parler de lui, alors son honneur est à protéger malgré tout, car il reste un croyant, car Allah dans le sens où le dit, et qu'aucun d'entre vous ne me dise son frère, est-ce que vous aimeriez manger la chair morte de votre frère? Vous le détesteriez certes. Verset les Hujarat, les appartements, verset 12. Mais attention, là il y a des hadiths qui sont venus que celui qui est fasiq, muzhir, les fisqihi, c'est-à-dire c'est un pervers, il montre sa perversion ouvertement, publiquement, alors lui c'est autre chose. Par exemple, il y en a un c'est un chanteur, ou il y en a un, il fréquente les femmes, il ne se cache pas, ou il y en a un, il boit de l'alcool, il ne se cache pas, ou autre, ça, c'est autre chose. D'accord? C'est autre chose. Lui, son honneur n'est plus sacré dans ces actes-là qu'il fait. Mais s'il n'y a pas besoin de le citer, il n'y a pas besoin de le citer, de parler pour lui sans intérêt, bien sûr. فَإِلَّهُنَا وَالْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ